Sur la couche de mes nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Cantique de cantique. Offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris.